Homère, l'Odyssée, chant 8. Quand Éos, aux doigts rosés, né au matin, apparut, la force sacrée d'Alcinoos se leva de son lit, et le dévastateur de citadelles, le divin et subtil Odysseus se leva aussi, et la force sacrée d'Alcinoos le conduisit à l'agora des Phéaquiens, auprès des nefs. Et dès leur arrivée, ils s'assirent l'un près de l'autre, sur des pierres polies. Et Pallas Athéna parcourait la ville, sous la figure d'un héros prudent d'Alcinoos. Et, méditant le retour du magnanime Odysseus, elle abordait chaque homme et lui disait: Prince et chef des Phéaquiens, allez à l'agora, afin d'entendre l'étranger qui est arrivé récemment dans la demeure du sage Alcinoos. Après avoir erré sur la mer, il est semblable aux immortels. Ayant parlé ainsi, elle excitait l'esprit de chacun, et bientôt l'agora et les sièges furent pleins d'hommes rassemblés, et ils admiraient le fils prudent de Laërte, car Athéna avait répandu une grâce divine sur sa tête et sur ses épaules, et l'avait rendu plus grand et plus majestueux, afin qu'il parût plus agréable, plus fier et plus vénérable aux Phéaquiens, et qu'il accomplît toutes les choses par lesquelles ils voudraient l'éprouver. Et après que tous se furent réunis, Alcinoos leur parla ainsi: Écoutez-moi, prince et chef des Phéaquiens, afin que je dise ce que mon cœur m'inspire dans ma poitrine. Je ne sais qui est cet étranger errant qui est venu dans ma demeure, soit du milieu des hommes qui sont du côté d'Éos, soit de ceux qui habitent du côté d'Hespéros. Il nous demande d'aider à son prompt retour. Nous le conduirons, comme cela est déjà arrivé pour d'autres, car aucun homme entré dans ma demeure n'a jamais pleuré longtemps ici, désirant son retour. Allons, tirons à la mère divine une nef noire et neuve, et que 52 hommes soient choisis dans le peuple parmi les meilleurs de tous. Liez donc à leurs bancs les avirons de la nef, et préparons promptement dans ma demeure un repas que je vous offre. Les jeunes hommes accompliront mes ordres. Et vous tous, rois porteurs de sceptres, venez dans ma belle demeure, afin que nous honorions notre hôte dans la maison royale. Que nul ne refuse, et appelez le divin Aoïde Démodocos, car un dieu lui a donné le chant admirable qui charme quand son âme le pousse à chanter. Ayant ainsi parlé, il marcha devant, et les porteurs de sceptres le suivaient, et un héros courut vers le divin Aoïde. Et 52 jeunes hommes, choisis dans le peuple, allèrent, comme Alcinoos l'avait ordonné, sur le rivage de la mer indomptée. Étant arrivés à la mer et à la nef, ils traînèrent la noire nef à la mer profonde, dressèrent le mât, préparèrent les voiles, lièrent les avirons avec des courroies, et faisant tout comme il convenait, étendirent les blanches voiles et poussèrent la nef au large. Puis ils se rendirent à la grande demeure du sage Alcinoos. Et le portique et la salle et la demeure étaient pleins d'hommes rassemblés, et les jeunes hommes et les vieillards étaient nombreux. Et Alcinoos tua pour eux 12 brebis, 8 porcs aux dents blanches et 2 bœufs aux pieds flexibles. Et ils les écorchèrent, et ils préparèrent le repas agréable. Et le héros vint, conduisant le divin Aoïde. La muse l'aimait plus que tous, et elle lui avait donné de connaître le bien et le mal, et l'ayant privé des yeux, lui avait accordé le chant admirable. Le héros plaça pour lui, au milieu des convives, un trône aux clous d'argent, appuyé contre une longue colonne, et au-dessus de sa tête, il suspendit la cithare sonore et il lui montra comment il pourrait la prendre. Puis il dressa devant lui une belle table et il y mit une corbeille et une coupe de vin afin qu'il bût autant de fois que son âme le voudrait. Et tous étendirent les mains vers les mets placés devant eux. Après qu'ils eurent assouvi leur faim et leur soif, la muse excita l'aouïde à célébrer la gloire des hommes par un chant dont la renommée était parvenue jusqu'au large Ouranc. Et c'était la querelle d'Odysseus et du Péléide Achille. Quand ils se querellèrent autrefois en paroles violentes dans un repas offert aux dieux. Et le roi des hommes, Agamemnon, se réjouissait dans son âme parce que les premiers d'entre les Achéens se querellaient. En effet, la prédiction s'accomplissait que lui avait faite Phébus Apollon. Dans la divine Pytho, ils avaient passé le seuil de pierre pour interroger l'oracle. Et alors se préparaient les maux des Troyens et des Danaïens par la volonté du grand Zeus. Et l'illustre Aouïde chantait ces choses. Mais Odysseus, ayant saisi de ses mains robustes son grand manteau pourpré, l'attira sur sa tête et encouvrit sa belle face. Et il avait honte de verser des larmes devant les Phéaquiens. Mais quand le divin Aouïde cessait de chanter, lui-même cessait de pleurer, et il écartait son manteau, et prenant une coupe ronde, il faisait des libations aux dieux. Puis, quand les princes des Phéaquiens excitaient l'Aouïde à chanter de nouveau, car ils étaient charmés de ses paroles, de nouveau Odysseus pleurait, la tête cachée. Il se cachait de tous en versant des larmes, mais Alcinoos le vit, seul, étant assis auprès de lui, et il entendit gémir, et aussitôt il dit aux Phéaquiens habiles à manier les avirons. Écoutez-moi, prince et chef des Phéaquiens. Déjà nous avons satisfait notre âme par ce repas et par les sons de la cithare qui sont la joie des repas. Maintenant, sortons et livrons-nous à tous les jeux afin que notre hôte raconte à ses amis, quand il sera retourné dans sa patrie, combien nous l'emportons sur les autres hommes au combat des poings, à la lutte, au saut et à la course. Ayant ainsi parlé, il marcha le premier, et tous le suivirent. Et le héros suspendit la cithare sonore à la colonne, et prenant Démodocos par la main, il le conduisit hors des demeures, par le même chemin qu'avaient pris les princes des Phéaquiens, afin d'admirer les jeux. Et ils allèrent à l'agora, et une foule innombrable les suivait. Puis, beaucoup de robustes jeunes hommes se levèrent. Acronéos, Achialos, Elatreus, Notéus, Primneus, Anchialos, Eretmeus, Ponteus, Proteus, Thoon, Anabizeneos, Amphialos, fils de Polynéos Tectonide, et Euralios, semblable au tueur d'hommes Arès, et Nobolides qui l'emportait par la force et la beauté sur tous les Phéaquiens, après l'irréprochable Laodamas. Et les trois fils de l'irréprochable Alcinoos se levèrent aussi, Laodamas, Alios et le divin Clitoneos. Et ils combattirent d'abord à la course, et ils s'élancèrent des barrières, et tous ensemble ils volaient rapidement, soulevant la poussière de la plaine. Mais celui qui les devançait de plus loin était l'irréprochable Clitoneos. Autant les mules qui achèvent un sillon ont franchi d'espace, autant il les précédait, les laissant en arrière quand il revint devant le peuple. Et d'autres engagèrent le combat de la lutte, et dans ce combat, Euryalos l'emporta sur les plus vigoureux. Et Amphialos fut vainqueur en sautant le mieux. Et Elatreus fut le plus fort au disque, et là où Damas, l'illustre fils d'Alkinoos, au combat des poings. Mais, après qu'ils eurent charmé leur âme par ces combats, Laodamas, fils d'Alkinoos, parla ainsi. « Allons, amis, demandons à notre hôte s'il sait aussi combattre. Certes, il ne semble point sans courage. Il a des cuisses et des bras et un cou très vigoureux, et il est encore jeune, bien qu'il ait été affaibli par beaucoup de malheurs, car je pense qu'il n'est rien de pire que la mer pour épuiser un homme quelque vigoureux qu'il soit. » Et Euryalus lui répondit. Laodamas, tu as bien parlé. Maintenant va, provoque-le et rapporte-lui nos paroles. Et l'illustre fils d'Alkinoos, ayant écouté ceci, s'arrêta au milieu de la reine et dit à Odysseus. Allons, hôte, mon père. Viens tenter nos jeux si tu y es exercé comme il convient que tu le sois. Il n'y a point de plus grande gloire pour les hommes que celle d'être brave par les pieds et par les bras. Viens donc et chasse la tristesse de ton âme. Ton retour n'en subira pas un long retard, car déjà ta nef est traînée à la mer et tes compagnons sont prêts à partir. Et le subtil Odysseus lui répondit. Laodamas, pourquoi me provoques-tu à combattre? Les douleurs remplissent mon âme plus que le désir des jeux. J'ai déjà subi beaucoup de maux et supporté beaucoup de travaux. Et maintenant, assis dans votre agora, j'implore mon retour, priant le roi et tout le peuple. Et Euryalus lui répondant, l'outragea ouvertement. Tu parais, mon hôte, ignorer tous les jeux où s'exercent les hommes, et tu ressembles à un chef de matelot marchand qui, sur une nef de charge, n'a souci que de gains et de provisions plutôt qu'à un athlète. Et le subtil Odysseus, avec un sombre regard, lui dit. Mon hôte, tu n'as point parlé convenablement, et tu ressembles à un homme insolent. Les dieux ne dispensent point également leurs dons à tous les hommes. La beauté, la prudence ou l'éloquence. Souvent, un homme n'a point de beauté, mais un dieu l'orne par la parole, et tous sont charmés devant lui, car il parle avec assurance et une douce modestie, et il domine l'agora, et quand il marche dans la ville, on le regarde comme un dieu. Un autre est semblable au dieu par sa beauté, mais il ne lui a point été accordé de bien parler. Ainsi, tu es beau. Et un dieu ne t'aurait point formé autrement, mais tu manques d'intelligence, et comme tu as mal parlé, tu as irrité mon cœur dans ma chère poitrine. Je n'ignore point ces combats ainsi que tu le dis. J'étais entre les premiers quand je me confiais dans ma jeunesse et dans la vigueur de mes bras. Maintenant je suis accablé de misère et de douleur, ayant subi de nombreux combats parmi les hommes, ou en traversant les flots dangereux. Mais, bien que j'aie beaucoup souffert, je tenterai ces jeux, car ta parole m'a mordu et tu m'as irrité par ce discours. » Il parla ainsi, et sans rejeter son manteau, s'élançant impétueusement, il saisit une pierre plus grande, plus épaisse, plus lourde que celle dont les Phéaquiens avaient coutume de se servir dans les jeux, et l'ayant fait tourbillonner, il la jeta d'une main vigoureuse. Et la pierre rugit, et tous les Phéaquiens habiles à manier les avirons courbèrent la tête sous l'impétuosité de la pierre, qui vola bien au-delà des marques de tous les autres. Et Athéna accourut promptement, et posant une marque, elle dit, ayant pris la figure d'un homme, « Même un aveugle, mon hôte, pourrait reconnaître ta marque en la touchant, car elle n'est point mêlée à la foule des autres, mais elle est bien au-delà. Et donc, confiance, car aucun des Phéaquiens n'atteindra là, loin de te dépasser. » Elle parla ainsi, et le patient et divin Odysseus fut joyeux, et il se réjouissait d'avoir dans l'agora un compagnon bienveillant, et il dit avec plus de douceur aux Phéaquiens, « Maintenant, jeunes hommes, atteignez cette pierre. Je pense que je vais bientôt en jeter une autre aussi loin et même au-delà. Mon âme et mon cœur m'excitent à tenter tous les autres combats. Que chacun de vous se fasse ce péril, car vous m'avez grandement irrité. Au ceste, à la lutte, à la course, je ne refuse aucun des Phéaquiens, sauf le seul Laodamas. Il est mon hôte. Qui pourrait combattre un ami? L'insensé seul, et l'homme de nulle valeur le dispute à leur autre dans les jeux, au milieu d'un peuple étranger, et ils s'avilissent ainsi. Mais je n'en récuse ni n'en repousse aucun autre. Je n'ignore aucun des combats qui se livrent parmi les hommes. Je sais surtout tendre un arc récemment poli, et le premier j'atteindrai un guerrier lançant des traits dans la foule des hommes ennemis, même quand de nombreux compagnons l'entoureraient et tendraient l'arc contre moi. Le seul Philoctétès l'emportait sur moi par son arc, chez les peuples des Troyens, toutes les fois que les Achéens lançaient des flèches. Mais je pense être maintenant le plus habile de tous les mortels qui se nourrissent de pain sur la terre. Certes, je ne voudrais point lutter contre les anciens héros, ni contre Héraclès, ni contre Eurytos l'Oicalien, car il luttait comme archer, même avec les dieux. Le grand Eurytos mourut tout jeune, et il ne vieillit point dans ses demeures. En effet, Apollon, irrité, le tua, parce qu'il avait provoqué au combat de l'arc. Je lance la pique aussi bien qu'un autre lance une flèche. Seulement, je crains qu'un des Phéaquiens me surpasse à la course, ayant été affaibli par beaucoup de fatigue au milieu des flots, car je ne possédais pas une grande quantité de vivres dans ma nef, et mes chers genoux sont rompus. Il parla ainsi, et tous restèrent muets, et le seul Alcinous lui répondit. « Mon hôte, tes paroles me plaisent. Ta force veut prouver la vertu qui te suit partout, étant irrité, car cet homme t'a défié, mais aucun n'oserait douter de ton courage, si du moins il n'a point perdu le jugement. Maintenant, comprends bien ce que je vais dire, afin que tu parles favorablement de nos héros quand tu prendras tes repas dans tes demeures, auprès de ta femme et de tes enfants, et que tu te souviennes de notre vertu et des travaux dans lesquels Zeus nous a donné d'exceller dans le temps de nos ancêtres. Nous ne sommes point les plus forts au ceste, ni des lutteurs irréprochables, mais nous courons rapidement et nous excellons sur les nefs. Les repas nous sont chers, et la cithare et les danses et les vêtements renouvelés, les bains chauds et les lits. Allons, vous qui êtes les meilleurs danseurs phéaquiens, dansez, afin que notre hôte, de retour dans sa demeure, dise à ses amis combien nous l'emportons sur tous les autres hommes dans la science de la mer, par la légèreté des pieds, à la danse et par le chant. Que quelqu'un apporte aussitôt à Démodocos sa cithare sonore et qui est restée dans nos demeures. » Alcinoos, semblable à un dieu, parla ainsi, et un héros se leva pour rapporter la cithare harmonieuse de la maison royale. Et les neuf chefs des jeux, élus par le sort, se levèrent, car c'étaient des régulateurs de chaque chose dans les jeux. Et ils aplanirent la place du cœur, et ils disposèrent un large espace. Et le héros revint, apportant la cithare sonore à Démodocos, et celui-ci se mit au milieu, et autour de lui se tenaient les jeunes adolescents habiles à danser, et ils frappaient de leurs pieds le cœur divin. Et Odysseus admirait la rapidité de leurs pieds, et il s'en étonnait dans son âme. Mais Laoïde commença de chanter admirablement l'amour d'Arès et d'Aphrodite à la belle couronne, et comment ils s'unirent dans la demeure d'Héphaïstos. Arès fit de nombreux présents, et il déshonora le lit du roi Héphaïstos. Aussitôt Hélios, qui les avait vus s'unir, vint l'annoncer à Héphaïstos, qui entendit là une cruelle parole. Puis, méditant profondément sa vengeance, il se hâta d'aller à la forge, et dressant une grande enclume, Il forgea des liens qui ne pouvaient être ni rompus ni dénoués. Ayant achevé cette trame pleine de ruses, il se rendit dans la chambre nuptiale où se trouvait son cher lit. Et il suspendit de tous côtés en cercle ces liens qui tombaient des poutres autour du lit comme les toiles de l'araignée et que nul ne pouvait voir, pas même les dieux heureux. Ce fut ainsi qu'il ourdit sa ruse. Et après avoir enveloppé le lit, il feignit d'aller à Lemnos, ville bien bâtie, celle de toutes qu'il aimait le mieux sur terre. Arès, au frein d'or, le surveillait. Et quand il vit partir l'illustre ouvrier Héphaïstos, il se hâta, dans son désir d'Aphrodite à la belle couronne, de se rendre à la demeure de l'illustre Héphaïstos. Et Aphrodite, revenant de voir son tout-puissant père Zeus, était assise. Et Arès entra dans la demeure, et il lui prit la main et lui dit: Allons, cher, dormir sur notre lit. Héphaïstos n'est plus ici. Il est allé à Lemnos, chez les Saintiens, au langage barbare. Il parla ainsi, et il sembla doux à la déesse de lui céder. Et ils montèrent sur le lit pour y dormir. Et aussitôt, les liens habilement disposés par le subtil Héphaïstos les enveloppèrent. Et ils ne pouvaient ni mouvoir leurs membres, ni se lever, et ils reconnurent alors qu'ils ne pouvaient fuir. Et l'illustre boiteux des deux pieds approcha, car il était revenu avant d'arriver à la terre de Lemnos, Hélios ayant veillé pour lui et l'ayant averti. Et il rentra dans sa demeure, affligé en sa chère poitrine. Il s'arrêta sous le vestibule, et une violente colère le saisit, et il cria horriblement, et il fit que tous les dieux l'entendirent. Père Zeus, et vous, dieux heureux, qui vivez toujours, venez voir des choses honteuses et intolérables. Moi qui suis boiteux, la fille de Zeus Aphrodite me déshonore, et elle aime le pernicieux Arès, parce qu'il est beau et qu'il ne boite pas. Si je suis laid, certes, je n'en suis pas cause, mais la faute en est à mon père et à ma mère, qui n'auraient pas dû m'engendrer. Voyez comme ils sont couchés unis par l'amour. Certes, en les voyant sur ce lit, je suis plein de douleur, mais je ne pense pas qu'ils tentent d'y dormir encore, bien qu'ils s'aiment beaucoup, et ils ne pourront s'unir, et mon piège et mes liens les retiendront jusqu'à ce que son père m'ait rendu toute la dot que je lui ai livrée à cause de sa fille aux yeux de chien, parce qu'elle était belle. Il parla ainsi et tous les dieux se rassemblèrent dans la demeure d'Airain. Poséidon, qui entoure la terre, vint, et le très utile Hermès vint aussi, puis le royal archer Apollon. Les déesses, par pudeur, restèrent seules dans leur demeure, et les dieux, qui dispensent les biens, étaient debout dans le vestibule. Et un rire immense s'éleva parmi les dieux heureux quand ils virent l'ouvrage du prudent Héphaïstos. Et en le regardant, ils disaient entre eux: Les actions mauvaises ne valent pas la vertu. Le plus lent a atteint le rapide. Voici qu'Héphaïstos, bien que boiteux, a saisi par sa science Arès, qui est le plus rapide de tous les dieux qui habitent l'Olympe, et c'est pourquoi il se fera payer une amende. Ils se parlaient ainsi entre eux, et le roi Apollon, fils de Zeus, dit à Hermès: Messager Hermès, fils de Zeus qui dispense les biens, certes tu voudrais sans doute être enveloppé de ces liens indestructibles afin de coucher dans ce lit auprès d'Aphrodite d'or. Et le messager Hermès lui répondit aussitôt: Plutôt Dieu, ô royal archer Apollon, que cela arrivât, et que je fusse enveloppé de liens 3 fois plus inextricables, et que tous les dieux et les déesses le vissent, pourvu que je fusse couché auprès d'Aphrodite d'or. Il parla ainsi, et le rire des dieux immortels éclata. Mais Poséidon ne riait pas. Et il suppliait l'illustre Héphaïstos de délivrer Arès, et il lui disait ces paroles ailées: Délivre-le! Et je te promets qu'il te satisfera ainsi que tu le désires et comme il convient entre dieux immortels. Et l'illustre ouvrier Héphaïstos lui répondit. Poséidon qui entoure la terre ne me demande point cela. Les cautions des mauvais sont mauvaises. Comment pourrais-je te contraindre parmi les dieux immortels si Arès échappait à sa dette et à mes liens? Et Poséidon qui ébranle la terre lui répondit. Héphaïstos, si Arès, reniant sa dette, prend la fuite, je te la paierai moi-même. Et l'illustre boiteux des deux pieds lui répondit. Il ne convient point que je refuse ta parole, et cela ne sera point. Ayant ainsi parlé, la force de Héphaïstos rompit les liens, et tous deux, libres des liens inextricables, s'envolèrent aussitôt. Arès dans la Trachée, et Aphrodite, qui aime les sourires, dans Chypre, à Paphos, où sont ses bois sacrés et ses autels parfumés. Là, les Charites la baignèrent et la parfumèrent d'une huile ambroisienne, comme il convient aux dieux immortels, et elles la revêtirent de vêtements précieux, admirables à voir. Ainsi chantait l'illustre Aoïde, et dans son esprit, Odysseus se réjouissait de l'entendre, ainsi que tous les Phéaquiens habiles à manier les longs avirons des nefs. Et Alcinoos ordonna à Alios et alla au Damas de danser seul, car nul ne pouvait lutter avec eux. Et ceux-ci prirent dans leurs mains une belle boule pourprée que le sage Polybos avait faite pour eux. Et l'un, courbé en arrière, la jetait vers les sombres nuées, et l'autre la recevait avant qu'elle eût touché la terre devant lui. Après avoir ainsi admirablement joué de la boule, ils dansèrent alternativement sur la terre féconde, et tous les jeunes hommes, debout dans l'agora, applaudirent, et un grand bruit s'éleva. Alors, le divin Odysseus dit à Alcinoos. Roi Alcinoos, le plus illustre de tout le peuple, certes, tu m'as annoncé les meilleurs danseurs, et cela est manifeste. L'admiration me saisit en les regardant. Il parla ainsi, et la force sacrée d'Alcinoos fut remplie de joie, et il dit aussitôt aux Phéaquiens qui aiment les avirons. Écoutez, prince et chef des Phéaquiens, notre hôte me semble plein de sagesse. Allons, il convient de lui offrir les dons hospitaliers. 12 rois illustres, 12 princes commandent ce peuple, et moi, je suis le 13e. Apportez-lui, chacun, un manteau bien lavé, une tunique et un talon d'or précieux. Et, aussitôt, nous apporterons tous ensemble ces présents, afin que notre hôte, les possédant, siège au repas, l'âme pleine de joie. Et Euryalus l'apaisera par ses paroles, puisqu'il n'a point parlé convenablement. Il parla ainsi, et tous ayant applaudi, ordonnèrent qu'on apportât les présents, et chacun envoya un héros. Et Euryalus, répondant à Alcinoos, parla ainsi. « Roi Alcinoos, le plus illustre de tout le peuple, j'apaiserai notre hôte comme tu me l'ordonnes, et je lui donnerai cette épée des reins, dont la poignée est d'argent, et dont la gossine est d'ivoire récemment travaillée. Ce don sera digne de notre hôte. » En parlant ainsi, il mit l'épée au clou d'argent entre les mains d'Odysseus, et il lui dit en paroles ailées. « Salut, hôte, mon père, si j'ai dit une parole mauvaise, que les tempêtes l'emportent. Que les dieux t'accordent de retourner dans ta patrie et de revoir ta femme, car tu as longtemps souffert loin de tes amis. » Et le subtil Odysseus lui répondit. « Et toi, ami, je te salue, que les dieux t'accordent tous les biens. Puisses-tu n'avoir jamais le regret de cette épée que tu me donnes en m'apaisant par tes paroles. » Il parla ainsi, et il suspendit l'épée au clou d'argent autour de ses épaules. Puis, Hélios tomba, et les splendides présents furent apportés, et les héros illustres les déposèrent dans la demeure d'Alcinoos. Et les irréprochables fils d'Alcinoos les ayant reçus, les placèrent devant leur mère vénérable. Et la force sacrée d'Alkinos commanda aux Phéaquiens de venir dans sa demeure, et ils s'assirent sur des trônes élevés, et la force d'Alkinos dit à arrêter. « Femme, apporte un beau coffre, le plus beau que tu aies, et tu y renfermeras un manteau bien lavé et une tunique. Qu'on mette un vase sur le feu et que l'eau chauffe afin que notre hôte, s'étant baigné, contemple les présents que lui ont apportés les irréprochables Phéaquiens et qu'il se réjouisse du repas en écoutant le chant de l'Aoïde. Et moi, je lui donnerai cette belle coupe d'or afin qu'il se souvienne de moi tous les jours de sa vie quand il fera, dans sa demeure, des libations à Zeus et aux autres dieux. » Il parla ainsi, et Arrêté ordonna aux servantes de mettre promptement un grand vase sur le feu. Et elles mirent sur le feu ardent le grand vase pour le bain, et elles y versèrent de l'eau, et elles allumèrent le bois par-dessous. Et le feu enveloppa le vase à trois pieds, et l'eau chauffa. Et pendant ce temps, Arrêté descendit de sa chambre nuptiale pour son hôte un beau coffre, et elle y plaça les présents splendides, les vêtements et l'or que les Phéaquiens lui avaient donné. Elle-même y déposa un manteau et une belle tunique, et elle dit à Odysseus ces paroles ailées. « Vois toi-même ce couvercle, et referme-le d'un nœud, afin que personne en route ne puisse te dérober quelque chose, car tu dormiras peut-être d'un doux sommeil dans la nef noire. » Ayant entendu cela, le patient et divin Odysseus ferma aussitôt le couvercle à l'aide d'un nœud inextricable que la vénérable Circé lui avait enseigné autrefois. Puis, l'intendante l'invita à se baigner, et il descendit dans la baignoire, et il sentit plein de joie l'eau chaude, car il y avait longtemps qu'il n'avait usé de ses soins, depuis qu'il avait quitté la demeure de Calypso aux beaux cheveux, où il lui avait été toujours donné comme un dieu. Et les servantes, l'ayant baigné, le parfumèrent d'huile et le revêtirent d'une tunique et d'un beau manteau. Et sortant du bain, il revint au milieu des hommes buveurs de vin. Et Nausicaa, qui avait reçu des dieux la beauté, s'arrêta sur le seuil de la demeure bien construite, et regardant Odysseus qu'elle admirait, elle lui dit ces paroles ailées. « Salut, mon hôte, plaise aux dieux quand tu seras dans la terre de la patrie, que tu te souviennes de moi, à qui tu dois la vie. » Et le subtil Odysseus lui répondit, « Nausicaa, fille du magnanime Alkinos, si maintenant Zeus, le retentissant époux de Héra, m'accorde de voir le jour du retour et de rentrer dans ma demeure, là, certes, comme à une déesse, je t'adresserai des vœux tous les jours de ma vie, car tu m'as sauvée. Ô Vierge !» Il parla ainsi, et il s'assit sur un trône auprès du roi Alkinos, et les hommes faisaient les parts et mélangeaient le vin. Et un héros vint, conduisant l'Aoïde harmonieux, Démodocos, vénérable au peuple, et il le plaça au milieu des convives, appuyé contre une haute colonne. Alors, Odysseus coupant la plus forte part du dos d'un porc aux dents blanches, et qui était enveloppé de graisse, dit au héros. « Prends, héros, et offre, afin qu'il la mange, cette chair à Démodocos. Moi aussi je l'aime, quoique je sois affligé. Les Aoïdes sont dignes d'honneur et de respect parmi tous les hommes terrestres, car la muse leur a enseigné le chant, et elle aime la race des Aoïdes. » Il parla ainsi, et le héros déposa le mets aux mains du héros Démodocos, et celui-ci le reçut plein de joie. Et tous étendirent les mains vers la nourriture placée devant eux, et après qu'ils se furent rassasiés de boire et de manger, le subtil Odysseus dit à Démodocos. « Démodocos, je t'honore plus que tous les hommes mortels. Soit que la muse, fille de Zeus, t'ait instruit, sois Apollon. Tu as admirablement chanté la destinée des Achéens et tous les maux qu'ils ont endurés et toutes les fatigues qu'ils ont subies, comme si toi-même avais été présent, ou comme si tu avais tout appris d'un Argien. Mais chante maintenant le cheval de bois qu'Épéios fit avec l'aide d'Athéna, et que le divin Odysseus conduisit par ses ruses dans la citadelle, tout rempli d'hommes qui renversèrent Ilios. Si tu me racontes exactement ces choses, je déclarerai à tous les hommes qu'un dieu t'a doué avec bienveillance du chant divin. » Il parla ainsi, et Laoïde, inspiré par un dieu, commença de chanter. Et il chanta d'abord comment les Argiens, étant montés sur les nefs au banc de rameurs, s'éloignèrent après avoir mis le feu aux tentes. Mais les autres Achéens étaient assis déjà auprès de l'illustre Odysseus, enfermé dans le cheval, au milieu de l'agora des Troyens. Et ceux-ci, eux-mêmes, avaient traîné le cheval dans leur citadelle. Et là, il se dressait, tandis qu'il proférait mille paroles assis autour de lui. Et trois desseins leur plaisaient, ou de fendre ce bois creux avec les reins tranchants, ou de le précipiter d'une hauteur sur les rochers, ou de le garder comme une vaste offrande aux dieux. Ce dernier dessein devait être accompli, car leur destinée était de périr après que la ville eut reçu dans ses murs le grand cheval de bois où étaient assis les princes des Achéens, devant porter le meurtre et la guerre aux Troyens. Et Démodocos chanta comment les fils des Achéens, s'étant précipités du cheval, leur creuse embuscade, saccagèrent la ville. Puis il chanta la dévastation de la ville escarpée, et Odysseus et le divin Ménélas, semblable à Arès, assiégeant la demeure de Déiphobos, et le très rude combat qui se livra en ce lieu, et comment ils vainquirent avec l'aide de la magnanime Athéna. L'illustre Aoïde chantait ces choses, et Odysseus défaillait, et sous ses paupières, il arrosait ses joues de larmes, de même qu'une femme entoure de ses bras et pleure son mari bien-aimé tombé devant sa ville et son peuple, laissant une mauvaise destinée à sa ville et à ses enfants, et de même que, le voyant mort et encore palpitant, elle se jette sur lui en hurlant, tandis que les ennemis, lui frappant le dos et les épaules du bois de leurs lances, l'emmènent en servitude afin de subir le travail et la douleur, et que ses jours sont flétris par un très misérable désespoir. De même, Odysseus versait des larmes amères sous ses paupières, en les cachant à tous les autres convives. Et le seul, Alcinoos, étant assis auprès de lui, s'en aperçut, et il entendit gémir profondément, et aussitôt il dit aux Phéaquiens habiles dans la science de la mer. Écoutez, princes et chefs des Phéaquiens, et que Démodocos fasse taire la cithare sonore. Ce qu'il chante ne plaît pas également à tous. Dès le moment où nous avons achevé le repas, et où le divin Aoïde a commencé de chanter, notre hôte n'a point cessé d'être en proie à un deuil cruel, et la douleur a envahi son corps. Que Démodocos cesse donc, afin que nous et notre hôte nous soyons tous également satisfaits. Ceci est de beaucoup le plus convenable. Nous avons préparé le retour de notre hôte vénérable et des présents amis que nous lui avons offerts parce que nous l'aimons. Un hôte, un suppliant, est un frère pour tout homme qui peut encore s'attendrir dans l'âme. C'est pourquoi, étranger, ne me cache rien, par ruse, de tout ce que je vais te demander, car il est juste que tu parles sincèrement. Dis-moi comment se nommait ta mère, ton père, ceux qui habitaient ta ville et tes voisins. Personne, en effet, parmi les hommes lâches ou illustres, n'a manqué de nom depuis qu'il est né. Les parents qui nous ont engendrés nous en ont donné à tous. Dis-moi aussi ta terre natale, ton peuple et ta ville, afin que nos nefs qui pensent y conduire, car elles n'ont point de pilote ni de gouvernail comme les autres nefs, mais elles pensent comme les hommes, et elles connaissent les villes et les champs fertiles de tous les hommes, et elles traversent rapidement la mer, couverte de brouillard et de nuées, sans jamais craindre d'être maltraitées ou de périr. Cependant, j'ai entendu autrefois mon père, Nausithoos, dire que Poséidon s'irriterait contre nous, parce que nous reconduisons impunément tous les étrangers. Et il disait qu'une solide nef des Phéaquiens périrait au retour d'un voyage sur la mer sombre, et qu'une grande montagne serait suspendue devant notre ville. Ainsi parlait le vieillard. Peut-être ces choses s'accompliront-elles. Peut-être n'arriveront-elles point. Ce sera comme il plaira au Dieu. Mais parle et dis-nous dans quel lieu tu as erré, les pays que tu as vus, et les villes bien peuplées, et les hommes, cruels et sauvages, ou justes et hospitaliers, et dont l'esprit plaît au Dieu. Dis pourquoi tu pleures en écoutant la destinée des Argiens, des Danaïns et d'Ilios. Les dieux eux-mêmes ont fait ces choses et voulu la mort de tant de guerriers, afin qu'on les chantât dans les jours futurs. Un de tes parents est-il mort devant Ilios? Est-ce ton gendre illustre ou ton beau-père, ceux qui nous sont les plus chers après notre propre sang? Est-ce encore un irréprochable compagnon? Un sage compagnon, en effet, n'est pas moins qu'un frère.